Kelele aye, kelele aye, kelele aye, chevili passa. Oma, moi lousito, go. Naye, omba ye, omba ye, ye. Jump! Fais la colo. Moi, mais c'est j'en fais la colo.